Le 22 décembre, à 16h48, avec votre maigre budget, vous achetez un tout petit appart. Mais par contre, il est bien placé, tout en haut de la butte Montmartre. Comme vous avez vu sur Paris, vous avez une idée de génie. Vous montez un site internet où on peut voir des filles à leurs fenêtres. Votre compagne vous casse les jambes, vous quitte, elle trouve ça très limite. Vous finissez en fauteuil et seul en amour, dans un remake de Fenêtre sur cour. Rendez-vous plage 14.